Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, le nom du ruisseau, hein, et qui s'appelait avant Radio Trait d'Union. Trait d'Union. Vous en souvenez? C'était il y a longtemps. Oui. Les années passent. Alors, le programme d'aujourd'hui, de calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, le calendrier, bien sûr. Et puis garde à vue abusive, la nouvelle arme anti-manifestant. Manuel Bompard, ma réaction au discours d'Elisabeth Borne. Mathilde Panot, le peuple vous regarde avec colère et dégoût. Le peuple vous regarde avec colère et dégoût. Jean-Luc Mélenchon, 1er mai, vous êtes les maîtres, vous êtes le peuple. Les Français qui se lèvent tôt. Mais pour qui se prend Gabriel Attal? Manuel Bompard sur BFM TV. BFM TV. Ils étaient en radio locale, sans doute. BFM TV. Le 1er mai, c'est le raz-de-marée. Éric Coquerel. Ça suffit le défouloir sur Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin. Péage et rapport caché, vous avez trompé les Français. Macron en tournée, c'est le fiasco, dit Serge Faubert. Mathilde Panot vous regarde avec colère et dégoût. Votre bilan, c'est la violence. Antoine Léaumont face à Darmanin. William Martinet, député insoumis, victoire contre le démembrement d'EDF. 15 mai, le calendrier des esclavages et des libérations. En 1525, le 15 mai 1525, en Allemagne, bataille de Frankenhausen. 6000 paysans de Thuringe sont battus par les féodaux. Thomas Munzer, qui les avait rejoints, est blessé à la tête. Il est découvert dans la maison où il s'était réfugié et fait prisonnier. Comme beaucoup d'autres défaites paysannes, celle-ci est imputable au manque de vue d'ensemble des révoltés, au manque de finalité du mouvement, au manque de formation militaire et au morcellement du royaume. Et oui, quand les révoltes populaires ne sont pas organisées, eh ben voilà. Hein? Eh oui, faut être vraiment révolutionnaire, pas seulement révolté. Révolutionnaire. C'est-à-dire motivé et organisé. 1525, France. Venant de Sarrebourg, où il a assisté à la messe, chapelle des Cordeliers, le duc de Lorraine assiège les armées paysannes à Saverne. Oui, la messe, la bataille. Voilà, ça va ensemble. Oh oui, les militaires et les religieux, ils ont fait œuvre commune, souvent. 1635, France. Les autorités de Bordeaux cèdent devant la révolte. Le nouvel impôt sur le vin est suspendu pour un mois. 1885, Canada. Riel, le leader des métis révoltés, se rend. L'insurrection est écrasée. L'impérialisme canadien est victorieux. 1891, Vatican. Première encyclique sociale. Rerum novarum. Des choses nouvelles. Comme on dit sur les radios locales, les radios libres. Rerum novarum. Eh oui. On cause un peu l'étranger, des fois, sur les radios locales et les radios libres. De Léon XIII, le pape constate la misère ouvrière, la richesse affluée entre les mains d'un petit nombre et la multitude est laissée dans l'indigence. C'était en 1891, hein. Bon. Elle condamne à la fois le capitalisme libéral, à cause de la concurrence effrénée, et le marxisme à cause du matérialisme et de l'atteinte aux droits de propriété. Mais elle n'analyse pas les causes de la misère. Elle inspirera l'action des organisations chrétiennes et poussera au développement des syndicats chrétiens. 1910, Japon. Naissance de Aizawa Ryo, fille de médecin, militante communiste. Elle organisera les jeunesses communistes du département d'Amori ainsi que le syndicat local. Traquée par la police, arrêtée et condamnée à 5 ans de prison, elle meurt à 25 ans d'une pneumonie juste après sa libération anticipée. 1919, Autriche. Une loi officialise l'existence des conseils d'ouvriers sous forme de conseils d'entreprise. 1921, Italie. L'élection sous la terreur fasciste, au milieu des flammes et de beaucoup de sang. 1921, USA. À Woodstock, le Communist Labour Party of America et le Communist Party of America fusionnent pour donner naissance au Communist Party. 1921. 1925, Chine. Des grévistes mettent à sac une usine de coton japonaise à Shanghai. 1931, Vatican. Deuxième encyclique sociale. Quadrigimo Anno. 40 ans après Rerum Novarum. Pie XI reconnaît les vices du capitalisme, mais tout en concédant que, comme toute erreur, le socialisme a quelque chose de bon, il déclare qu'on ne peut être à la fois un bon catholique et un vrai socialiste. Il déclare qu'on ne peut être à la fois un bon catholique et un vrai socialiste. 1943, URSS. La troisième internationale, est dissoute, 1919-1943, pour améliorer les rapports entre l'URSS et ses alliés anticommunistes. Pour améliorer les rapports entre l'URSS et ses alliés anticommunistes. 1952, République fédérale d'Allemagne. le syndicat Deutscher Gewerbehaftbund, Haftbund, excusez-moi, hein, commence une série de manifestations contre la nouvelle législation sur le statut des entreprises, Betriebsverfassungsgesetz. Il demande une vraie participation, la constitution d'un syndicat unique et la participation du conseil d'entreprise aux décisions de licenciement. 1955, Autriche. Le traité d'État est signé par les quatre grands. La souveraineté de l'Autriche est rétablie. 1961, Vatican. La troisième encyclique sociale, Mater et Magistra, l'Église mère et maîtresse, de Jean XXIII, regarde les récents développements sociaux à la lumière de la doctrine chrétienne. Regarde les récents développements sociaux à la lumière de la doctrine chrétienne. Elle prend en compte le phénomène de la socialisation, appelle à la présence des chrétiens dans le monde, insiste sur le double caractère personnel et collectif de la propriété privée, reconnaît officiellement le syndicalisme, demande la collaboration entre pays inégalement développés pour refaire un tissu social dans la vérité, la justice et l'amour. 1968, France. La grève est quasi totale dans toutes les facultés du pays. À Paris, les étudiants occupent le Théâtre de France, l'Odéon. Ils veulent faire une révolution culturelle contre la société de consommation. 1972, Madagascar. Les troubles aboutissent à une grève générale soutenue par les syndicats et d'autres organisations. 1973, Espagne. L'entreprise Motor Iberica licencie tous les ouvriers en grève. 1975, Italie. Grève générale à Naples. 100 000 travailleurs participent à la grève générale à Naples en Italie en 1975. 1977, Pologne. Des milliers d'étudiants de Cracovie manifestent silencieusement à la mémoire de Stanislas Pijas, trouvé mort dans des conditions douteuses. Une déclaration solennelle du comité de solidarité des étudiants met en garde le gouvernement contre une répression généralisée. 1978, Pérou. Pour obtenir une aide du Fonds monétaire international, le gouvernement décide une hausse des prix brutale, 67% sur l'essence et 60% sur les denrées alimentaires de base. Tiens, toute ressemblance avec des faits récents. Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes. Pérou, Macron, ça, aucun rapport. 1978-2023, aucun rapport. 1978, URSS, le physicien Yuri Orlov, fondateur du groupe Moscovite de surveillance des accords d'Helsinki, est condamné à 7 ans d'internement et à 5 ans de relégation. Ce verdict provoque le boycottage des relations avec l'URSS de plusieurs centaines de scientifiques. 1980, Corée du Sud. Après une certaine accalmie, le Premier ministre lance un avertissement aux manifestants. Le gouvernement ne restera pas passif devant les tentations de création du chaos. 1982, Autriche. Manifestation à Vienne contre la guerre et pour le désarmement. C'est pour la plus grande manifestation d'après-guerre. 1% de la population du pays, soit 70 000 personnes, y participent. Et on arrive au 16 mai. Voilà, ça sera pour une autre fois. ti che cos'è amor, donne vedete se ho lo nel cor, donne vedete se ho lo nel cor, donne vedete se ho lo nel cor. Comme préfet de police et comme je me fais le porte-parole de l'ensemble de mes effectifs, on se sent blessé moralement quand on est mis en cause systématiquement. Il peut y avoir des arrestations qui sont faites pour contrôler. Le ministre de l'Intérieur distingue bien le fait qu'on doit réprimer ceux qui atteignent aux biens et aux personnes et doit permettre la liberté de manifestation. J'ai été interpellée le jeudi 23 mars. Quand on m'accuse, moi, de faire des interpellations préventives pour empêcher des gens de manifester, alors que toute l'honneur, la fierté de ma mission... On va y revenir, mais c'est vrai qu'il y a eu un vendredi où il y a eu 392 interpellations pour 9 déferments. Oui, c'était un jour. J'ai été interpellée le lendemain du 49-3 à 12h35. J'ai été interpellée le soir de l'annonce du 49-3, donc c'était le 16 mars. Entre le 16 et le 25 mars, sur l'ensemble du territoire, 1346 personnes ont été placées en garde à vue en marge des manifestations. J'ai été interpellée vendredi 14 avril à 22h rue Guy de la Broche. 195 ont donné lieu à des poursuites. On ne connaît pas encore le nombre et la nature des condamnations. Et 158 personnes interpellées ont écopé de mesures alternatives, comme des avertissements. J'ai été interpellé vendredi 14 avril à peu près 20h40. Sur le boulevard Beaumarchais. Pour le reste des gardés à vue, certaines enquêtes sont toujours en cours. Les autres ont été classées sans suite. Alors, j'ai été interpellée le jeudi 23 mars. C'était juste là. La manifestation autorisée, elle s'est déroulée vraiment dans la bonne humeur. Enfin, moi, j'avais passé une super journée en plus. On n'a même pas pu aller jusqu'à la fin du parcours de la manifestation qui devait se terminer à Opéra. On a commencé à se faire gazer et pourtant, on n'était pas au début de la manif. Et en fait, le dispositif policier nous prenait en sandwich, en fait. Du coup, on a dû un peu fuir dans les petites rues, etc. Enfin, c'est un peu frustrant aussi parce qu'on nous autorise un cortège et en fait, on ne peut même pas aller jusqu'au bout, quoi. Je sortais de la rue Jean-Pierre Timbaud. On était avec donc mon groupe d'amis. On marchait. On n'avait aucune arme à la main, on n'a insulté aucun policier. Il y a vraiment eu aucune raison d'interpellation. On faisait rien d'illégal, rien de répréhensible. Ils nous ont foncé dessus, on s'est arrêté, on a obéi, on s'est assis, on a donné nos cartes d'identité. Et on a attendu ce qui se passe. On a attendu, en fait. Ils nous ont jamais expliqué les vraies raisons de notre interpellation. Alors j'ai été interpellé le lendemain du 49-3 à 12h35. Alors moi j'ai rejoint les étudiants en face de l'université de Tolbiac. On commençait à marcher dans la rue de Tolbiac et les forces de l'ordre nous ont bloqués. Lorsque j'ai tenté de sortir de la nasse, j'ai senti une main qui m'a attrapé par le col et qui m'a tiré par derrière. Et il y a un policier qui m'a mis par terre et qui m'a menotté. J'ai été interpellée vendredi 14 avril à 22h rue Guy de la Broche. Moi, j'ai rejoint la manifestation quand elle était à Hôtel de Ville et qu'il y avait le grand rassemblement suite à l'annonce du Conseil constitutionnel. À ce moment-là, la manifestation était extrêmement pacifique, très stable. Et ensuite, on est redescendu au fur et à mesure de la soirée vers Bastille. Puis, on est redescendu rive gauche. Et après avoir réussi à traverser le pont, on a joué un jeu de chat à la souris avec les forces policières qui nous ont beaucoup entraînés dans les petites ruelles. Et à la fin, on a fini rue Guy de la Broche où la brave est arrivée et a coupé en bas de la rue, en haut de la rue et a nassé tout ce qui était au milieu. J'ai été interpellé le soir de l'annonce du 49-3, donc c'était le 16 mars. Du coup, j'ai été interpellé rue Étienne Marcel ici. On venait juste d'arriver place de la Concorde et il y a un groupe qui a été relâché parce que place de la Concorde était bloquée. Et du coup, il y avait une fanfare, on a suivi la fanfare et après 10 minutes, on était un petit groupe dans les rues et on marchait et du coup, les CRS nous ont nassés et on a été interpellés quoi, après 10 minutes de manifestation. En plus, c'était ma première manifestation. Du coup, nous, on venait plus pour observer et voir comment ça se passait. J'ai été interpellé vendredi 14 avril sur les coups de 20h30. Suite à l'annonce du Conseil constitutionnel, on a été interpellé ici sur le boulevard Beaumarchais par les gendarmes. L'ambiance de la manifestation était très bonne. On marchait dans les rues, on chantait un peu. J'ai vu aucune dégradation. Mais au bout d'un moment, on a eu des flics qui commençaient à nous charger par derrière. C'est le moment où moi et mes amis, on est sortis du groupe de manifestants. Malheureusement, on a abandonné une personne dans le groupe. Donc en fait, on a pris la direction du boulevard Beaumarchais pour qu'on puisse se retrouver. Donc au moment où moi, je me suis fait interpeller, j'étais hors du groupe de manifestants. J'étais avec des passants dans la rue. Et des camions de gendarmerie ont débarqué sur notre gauche sur la route et les gendarmes sont sortis de leurs camions et nous ont interpellés. Moi, des passants, sans que ce soit un groupe de manifestants. On est enfermés, on peut pas sortir. À Skib, on va aller en garde à vue. Voilà, c'est super. Ça va être trop cool l'anniversaire. Personne n'a interpellé ici avec moi, on avait un peu de tout. Alors bien sûr, il y avait quelques manifestants parce que c'était des gens qui étaient sortis de la manifestation. On avait aussi des passants. On avait une dame qui sortait du restaurant, qui était même pour la réforme des retraites. On avait un étudiant suisse qui était là pour faire des études pour le semestre. On avait un Australien qui était là, qui faisait du tourisme à Paris. On avait aussi deux Italiens, un qui habitait à Paris et un ami à lui qui était venu lui rendre visite pour le week-end, qui parlait pas un mot de français. Donc, vous voyez, des profils assez divers quand même parmi les gens interpellés. Et le petit groupe dont je vous parle, là, les différentes personnes que je vous ai décrites, on a tous fini dans le même bus de 25 personnes pour nous emmener au commissariat. On était, je pense, 20 ou 30 à être interpellés sur le boulevard Voltaire. Mais là où j'ai été envoyée en garde à vue, je pense qu'il y avait 10-15 personnes, une douzaine de personnes qui faisaient partie de cette interpellation. Notamment une jeune fille qui était d'origine italienne et qui était avec son copain. Et eux, vraiment, ils sortaient du restaurant et ils se sont fait interpeller à ce moment-là. Donc, ils n'ont pas arrêté de dire « mais qu'est-ce qu'on fait ici ?» et tout. Et les officiers de police judiciaire leur disaient « ah oui, mais vous n'avez rien à faire ici, en fait ». Mais ils ont quand même passé la nuit en garde à vue et n'ont été relâchés que vers 11h, 11h30. C'était ma première garde à vue. J'ai essayé de... Heureusement que j'étais avec mon ami et que du coup, je n'étais pas complètement seule dans cette expérience. J'ai essayé de le prendre un peu à la rigolade parce que c'était tellement ridicule que c'était un peu le meilleur moyen de le vivre, quoi. Jusqu'à ce jour, on ne m'a jamais dit clairement quels étaient les faits qui m'étaient reprochés. J'ai lu sur le procès-verbal lors de ma garde à vue que la raison de mon interpellation, c'est que j'étais en groupe en vue de commettre des violences. Mais c'est faux. C'est faux, je n'avais aucune arme. Je n'ai jamais dit que j'allais commettre des violences. Enfin, il n'avait aucune preuve de toute manière, puisque ce n'était pas le cas. Alors moi, je me suis retrouvé avec deux autres personnes, un jeune de 19 ans et un jeune de 16 ans qui était diabétique, dans le camion des forces de l'ordre, suite à mon interpellation. On nous a emmenés à la préfecture de police de Paris, au service de lutte contre l'immigration, où on a été mis en garde à vue du coup enfermés dans leur cellule. Pour moi, cette interpellation, ça a été vraiment un traumatisme. Rester 24 heures enfermé dans une cellule d'une dizaine de mètres carrés, c'était vraiment beaucoup trop intense pour moi. Ma garde à vue, déjà d'abord, c'était les 2 heures d'attente là. C'était assez dur parce que du coup, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais enfin, pour être honnête, les CRS, ils étaient assez respectueux avec nous. Ils n'ont pas commis de... Enfin, ils nous ont pas insultés ni maltraités. Après, dans l'arrestation, c'était... Enfin, ça s'est bien passé. Après, c'est dur psychologiquement parce que du coup, on ne sait pas pour combien de temps on y est. En plus, moi, j'ai mes lunettes. Ils m'ont enlevé mes lunettes. Du coup, j'étais dans le noir pendant 21h quasiment sans lunettes. Et du coup, je ne voyais rien. Il n'y a pas de lumière dans la pièce et il fait assez froid. Mais j'ai eu la chance d'être dans une cellule où on était plusieurs. Du coup, les 20 heures, elles sont passées relativement vite. Moi, j'ai été interpellé pour le motif de participation à un rassemblement et refus de se disperser après sommation de dispersion. Et en l'occurrence, l'OPJ que j'avais a quand même insisté en me disant « Prends pas d'avocat, la procédure ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup mieux pour toi ». Moi, à ce moment-là, c'était mon anniversaire. En fait, dans la nuit du vendredi au samedi, à minuit, c'était mon anniversaire. Donc je me dis, un peu la flemme de rester ici pour mon anniversaire. Écoute, si ça peut raccourcir un peu la durée de ma garde à vue, je vais pas prendre d'avocat, sachant que je savais que j'avais rien fait, donc je me faisais pas trop de soucis. Je savais qu'il y avait pas de preuves contre moi, donc je prends pas d'avocat. Donc à ce moment-là, avec du recul, je suis un peu fâché quand même, qui m'est poussé à pas en prendre, alors qu'en fait j'aurais dû en prendre un. Ma garde à vue était longue, très longue. 21h quand même. Ma garde à vue a duré 40 heures à peu près. Les raisons officielles de ma garde à vue, c'est participation à un groupement en vue de commettre des violences ou qui a commis des violences de type brûler des poubelles et compagnie. Pour faire toutes les auditions en même temps et pour faciliter la tâche au commissariat, enfin aux OPJ, ils nous ont gardé les deux filles, le mineur, avec les autres garçons, sauf qu'il n'y avait pas de cellule pour nous. Donc on a passé toute la journée du samedi, l'autre fille, le mineur et moi, attachés à un banc devant la cellule des garçons. Le mineur a réussi à être libéré à 17h et nous, la torture n'était pas encore finie puisque cette autre fille et moi, on est restés là jusqu'à 1h du matin avant qu'il nous déplace vers une autre cellule, vers un autre commissariat. Et le lendemain, rebelote, dès 9h du matin, on a passé encore toute la journée jusqu'à 14-15h quand on a été enfin libéré. Je pense que ça aura forcément un impact sur les prochaines manifestations où j'aurai forcément ça dans un coin de ma tête en me disant que peut-être que ce soir, je rentrerai pas chez moi, quoi. L'OPJ, à la fin, quand je suis parti, m'a dit « te refais plus rattraper pour la prochaine fois » alors que j'avais rien fait. Et du coup, ça fait peur pour les prochaines manifs parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Pourtant, genre les prochaines manifs, je pourrais me refaire arrêter juste parce que je suis dans le fichier ou juste parce que ma tête leur plaît pas, quoi. Je pense également que mon interpellation, ça a été un traumatisme pour les gens autour de moi, que ce soit ma partenaire de vie, que ce soit mes amis qui ont suivi ça et qui ont été touchés par procuration. Je suis encore plus en colère et je ne vais pas me gêner pour retourner en manifestation. Mon affaire a été évidemment classée sans suite puisqu'il n'avait aucune preuve et que je n'avais commis absolument rien de répréhensible. Donc à 10h30, on m'a annoncé « vous êtes libre » alors que je n'ai même pas été entendue par une officier de police judiciaire. À la fin de la garde à vue, on m'a laissé partir sans me reprocher nullement des faits que j'aurais commis, c'est-à-dire de brûler des poubelles ou d'avoir dégradé du mobilier urbain, puisqu'évidemment, je ne les avais pas commis. Donc, on m'a gardé 40 heures pour des faits qui me sont, au final, pas du tout reprochés. Quand je suis sorti de garde à vue, ils ont choisi de rien me donner. J'ai pas eu de papier, j'ai eu aucune poursuite, rien. Je suis sorti sans rien. Donc, suite à mon interpellation et ma garde à vue de 24 heures, je n'ai eu ni rappel à la loi, ni aucune poursuite légale, juridique. Rien du tout. Thank you. Assez stupéfait, effectivement. C'est-à-dire que, alors que le pays vit aujourd'hui au rythme des casserolades, que aucun ministre ne peut se déplacer quelque part sans être confronté à une opposition des Françaises et des Français, j'ai eu l'impression, effectivement, d'une première ministre et d'un gouvernement qui s'enfonce dans une réalité alternative. C'est-à-dire que ce sujet n'a pas été à l'ordre du jour, que la question des retraites n'a pas été à l'ordre du jour, et que le gouvernement fait comme si ce sujet n'existait plus. Et la première ministre, finalement, nous a présenté l'ordre du jour de la prochaine des prochains travaux à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ça soit exactement son rôle. Donc j'étais assez stupéfait en réalité d'écouter cette conférence de presse et le sentiment qu'elle ne vit pas dans le même pays que moi ou que nous globalement. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que ça risque d'être très compliqué pour l'exécutif et que on sentait une première ministre quand même quelque peu empêchée et c'est ce qui pourrait illustrer, allez, restons sur la formule des 100 jours. Clairement, vous l'avez dit, la seule chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ce fameux texte de loi sur l'immigration dans lequel l'exécutif a déjà changé d'avis à 3 reprises, ils viennent de changer d'avis à 1/4 reprise. Donc oui, clairement, ils sont empêchés, mais pour une raison très simple, c'est que tant que on n'apportera pas une réponse à la colère extrêmement forte qui s'exprime encore dans le pays en opposition à cette réforme des retraites, et tant que l'exécutif voudra en quelque sorte passer à autre chose de force, alors le gouvernement sera empêché de gouverner. Si on veut retrouver une situation normale, il faut que enfin le président de la République et la minorité présidentielle entendent cette opposition, n'appliquent pas cette réforme des retraites, et pour que tout le monde puisse se remettre autour de la table et qu'on puisse voir effectivement comment on avance. Sinon, je crains effectivement que la situation ne puisse avancer. Alors je suis injuste, on a appris une deuxième chose, c'est que la promesse qui a été faite par Madame la Première Ministre il y a un mois de ça, de ne plus avoir recours à l'article 49.3 en dehors des textes budgétaires, c'est déjà une promesse sur laquelle elle est revenue, et je suis pas certain que ça soit de nature à apaiser la situation. Manuel Bompard, dernière question à un journaliste qui lui posait la question. Vers qui l'exécutif, le gouvernement va se tourner pour faire passer les lois? Il semble que vous, comme le Rassemblement national, ne soyez pas ses priorités, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas, écoutez, Madame Borne, depuis le début, déjà lorsqu'elle avait pris la parole après les élections législatives, avait considéré que la France insoumise ne participait pas, selon ses propres termes, de l'arc républicain. Je conteste bien évidemment cette manière de voir les choses, et je pense qu'en faisant ça, le gouvernement porte une très lourde responsabilité dans une certaine forme de banalisation des idées de l'extrême droite. Il y a bien évidemment aucun rapport entre les idées que porte la France insoumise et les idées que porte l'extrême droite. Pour le reste, Madame Borne ne veut pas gouverner avec nous. J'ai envie de lui dire, ça tombe bien. Pour mettre en place la politique qui est la sienne, nous n'avons pas l'intention de gouverner avec elle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette réaction. Le peuple vous regarde. Il vous regarde comme on regarde quelqu'un qui a trahi, dans un mélange de colère et de dégoût. La colère et le dégoût sont familiers. Les Français l'ont éprouvé au lendemain d'un dimanche de 2005. Depuis, ils ont déserté les urnes. Ils sont retournés parfois. Ils étaient déçus en 2017, résignés en mars 2022. Ils vous ont sanctionné en juin dernier et vous les avez à nouveau trahis. Trahis en faisant comme si Emmanuel Macron avait été élu sur son programme. Trahis en gouvernant depuis 9 mois comme si vous étiez majoritaire. Trahis avec un misérable 49-3 pour faire passer une réforme dont personne ne veut. Des traîtres donc, mais d'un genre nouveau. De ceux qui déçoivent les espoirs que l'on n'a jamais placés en eux. Car en avril dernier, personne ne comptait réellement sur Emmanuel Macron pour relever le pays. On prêtait une oreille distraite à celui qui parlait alors, souvenez-vous, d'une nouvelle méthode pour gouverner. Des milliers de mensonges plus tard, vous portez le coup de grâce. Vous n'envisagez pas l'hypothèse du 49-3 juste avant d'y recourir. Votre parole n'a plus aucune valeur. Des haussements de sourcils, des rires narquois, des injures sont au mieux ce que vous récoltez dans le pays. Jamais un président n'a voulu gouverner avec autant d'aplomb, par la colère et le dégoût. Dans une heure aura lieu la manifestation parisienne du 1er mai. D'ores et déjà, dans des dizaines et des dizaines de communes, se sont rassemblées des foules comme jamais on en avait vu à une telle date, parfois de toute l'histoire des 1er mai. Le peuple de France, je dis bien le peuple de France dans toute sa diversité, se rassemble dans ce que nous avons de plus profondément commun, l'amour de la liberté, le goût de l'égalité, le souci de la fraternité qui nous fait dire que nous n'avons pas de maître depuis 1789 autre que le peuple lui-même. Et c'est bien heureux qu'Emmanuel Macron ait choisi de se donner on ne sait pourquoi 100 jours que nous ne lui donnons pas, dont la conclusion serait le 14 juillet, et nous lui apprendrons à cette occasion à bien comprendre toute la signification d'insurrection contre l'arbitraire et l'ancien régime que signifie aujourd'hui et pour toujours et pour la terre entière le 14 juillet et la Marseillaise. Le 1er mai n'est pas la fête du travail, comme l'ont assez stupidement instillé les pétainistes. Le 1er mai est la fête de ceux qui travaillent, c'est-à-dire de ceux qui, pour produire et reproduire leur existence matérielle, doivent consentir à donner leur temps, un temps contraint, au travail et à la production d'une richesse qui ensuite est réparti d'une manière inégalitaire au profit des uns et au détriment des autres. Le 1er mai a, depuis sa première expression à la fin du XIXe siècle, à l'appel de la Première Internationale, était le moment de la lutte pour la diminution du temps de travail contraint. J'ai bien dit contraint, c'est le travail salarié, car le reste du temps, ça s'appelle le temps libre, c'est le temps libre du travail que l'on choisit, car ainsi est faite la condition humaine, qui n'est que de travail. Mais le travail libre, c'est celui que l'on dédie à la société par les actions bénévoles, parce qu'on est élu, parce qu'on est responsable d'associations ou militants, parce qu'on se dédie à sa famille et que l'on prend en charge les tâches qui résultent de la vie familiale. Le temps libre que nous réclamons est le temps de la souveraineté sur soi et sur son existence. Voilà ce que signifie le mot « liberté » dans ce cas. Depuis les premiers jours, ce fut pour la réduction du temps de travail contraint. Le triangle que vous voyez sur moi, comme sur beaucoup d'autres camarades, est le premier triangle rouge que portèrent en cuir les travailleurs français pour dire 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Depuis les premières heures du mouvement ouvrier et des revendications de liberté personnelle, la diminution du temps de travail est la revendication centrale des salariés, diminution dans la journée, arrachée de haute lutte contre la journée de 10 et 12 heures. Dans la semaine, arrachée de haute lutte, la semaine de 5 jours et bientôt, je l'espère, celle de 4 jours. Et enfin dans la vie, avec la retraite à 60 ans que nous avions décidé et mis en place en 1981, pour laquelle nous nous sommes battus et que nous récupérerons, soyez-en certains. Mais la diminution du temps de travail a pris une signification nouvelle à notre époque. Quelle est cette époque? C'est celle de la crise climatique devenue irréversible. L'avez-vous compris, monsieur Macron? Irréversible. Ce qui est maintenant en cause, c'est que cessent les sottises de dirigeants qui prétendent qu'il faut produire plus, c'est-à-dire prélever encore et encore à la nature, sans calculer jamais comment elle verra en retour sa capacité de reconstitution. Travaillez moins pour travailler mieux, pour gaspiller moins, pour détruire moins, pour prélever moins sur la nature. Travaillez moins, travaillez mieux, travaillez tous. Voilà une ligne politique radicale de l'écologie politique et sociale. Voilà le sens que nous autres, les insoumis, nous mettons à cette journée dans laquelle nous vivons la complétude de ce que nous sommes. Des êtres astreints chacun à des servitudes, celles du travail contraint, mais des êtres qui s'insèrent par les penses pour l'humanité tout entière, voués à l'intérêt général humain, c'est-à-dire à la lutte pour la défense et la protection de notre écosystème, non pas pour faire de vaines paroles, mais pour le transformer en mesures concrètes. J'achève. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il a défendu une constitution de nature autoritaire et anti-ouvrière. Le Conseil constitutionnel ne peut pas valoir plus que la constitution qu'il défend. Et il a pu conclure qu'un texte qui n'a été voté par personne s'impose à tous les Français, comme autrefois les lettres de cachet du monarque s'imposaient à tout le monde qui pouvait finir à n'importe quelle heure à la Bastille. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure gazé ou bien éborgné, etc., etc. Le caractère autoritaire du régime qui tient à la nature autoritaire que contient le libéralisme, car les libéraux sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution que les leurs, tant et si bien que tous les autres sont des fous ou des dangereux. Voilà comment et pourquoi ils nous caricaturent tout le temps comme ils le font. Et moi spécialement, puisque vous tous, vous connaissez la couleur de mes amygdales chaque fois qu'on me passe en photo. Cet effet de bestialisation consciente, en voilà la racine. Et le Conseil constitutionnel a pu ensuite décider, alors même que c'est écrit dans sa propre conclusion, que le bilan qui a été établi du coût de cette loi n'est pas sincère. Or, la racine d'une loi ou d'une décision légitime, c'est sa justification. C'est-à-dire que quoi que vous en pensiez, du moins a-t-elle été prise pour des raisons connues de tous et vérifiables. Voilà donc ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de bon Conseil constitutionnel aussi longtemps qu'il y a une mauvaise constitution. Vous autres qui n'aviez pas compris, vous qui disiez « mais quelle mouche les pique de nous parler sans arrêt de cette 6e République !» Maintenant, sans doute, comprenez-vous pourquoi la liberté est un bien précieux, pourquoi mieux vaut 1000 fois faire confiance, peut-être même aux erreurs que l'on commet dans la liberté, que celles qui sont commises par des petits tyrannos de week-end, comme ceux qui sont à la tête de l'État, et qui prétendent nous imposer le fait de passer à autre chose. Nous ne passerons pas à autre chose. L'appel solennel que je fais au nom du mouvement, puisque notre responsable est à 7h à Marseille, où est sa circonscription, Manuel Bompard. L'appel solennel que je relaie est « ne cédez pas, rien, jamais, la lutte continue jusqu'au retrait. N'écoutez pas la voix mièvre et chevrotante de la résignation, de la capitulation. L'homme d'âge que je suis a vu dans tant de pays des situations que l'on croyait inamovibles, des petits monsieur qui se pensaient absolument indispensables et irrenversables, l'être tout soudain quand le peuple manifestait sa volonté inflexible de ne pas être domestiqué. Ne vous laissez pas domestiquer, quoi qu'il vous en coûte. Si vous êtes des insoumis, des insoumises, soyez-le jusqu'au bout. Le dernier rang des combattants, c'est le vôtre. Les premiers à courir devant, c'est vous. Les derniers à céder, c'est vous. À bas la mauvaise République. Écoutez, on entend de plus en plus des choses qu'on n'entendait pas au départ. Car on est tous là pour refuser de se faire voler 2 ans de vie, que personne ne l'oublie. On ne passera pas à autre chose parce qu'on ne peut pas passer à autre chose de sa propre vie. Ce n'est pas possible. Mais quand je commence à entendre partout Macron démission, ce n'est plus un mot d'ordre d'avant-garde, ça commence à devenir un désir et une espérance populaire de masse. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir immense de vous retrouver toutes et tous si nombreux en cette journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Parce que, peut-être l'avez-vous vu, mais les puissants ont d'ores et déjà décidé quel angle ils donneraient à cette journée. Nous sommes des millions à défiler pour faire, disent-ils, un baroud d'honneur. Alors, en janvier, en février, en mars et en avril, ils nous ont toujours expliqué la même chose. Nous nous essoufflons. La lutte va s'arrêter. Et de nouveau, aujourd'hui, on nous ressort cette petite musique. Nous leur faisons remarquer depuis ce 1er mai que les seuls qui sont à bout de souffle dans notre pays, ils s'appellent les macronistes et la 5e République. Et que cette journée nous rappelle que rien n'a jamais été conquis dans notre pays sans être arraché de haute lutte par une mise en mouvement du peuple et des travailleurs. Et que, quoi qu'en disent Emmanuel Macron et son gouvernement, le peuple ne se laissera pas faire et la lutte continue. Alors, nous savons d'ores et déjà, en étant ici présent avant la manifestation parisienne, que ce 1er mai 2023 est entré dans la grande histoire sociale de notre pays. De 1er mai en 1er mai, année après année, le peuple a repoussé plus loin les frontières de sa dignité et de sa liberté. De 1er mai en 1er mai, le peuple se réapproprie son destin en arrachant de haute lutte la réduction du temps de travail. Oui, ce 1er mai est historique parce qu'il rentre dans un mouvement social inédit dans notre pays depuis au moins 50 ans. Oui, ce 1er mai 2023 est le rendez-vous de toutes celles et ceux qui refusent qu'on leur vole 2 ans de temps de vie libre. Depuis 4 mois, des millions d'hommes et de femmes ont manifesté dans les rues du pays. Depuis 4 mois, des millions d'hommes et de femmes ont perdu des journées de salaire, ont exprimé leur voix avec leurs casserolades. Depuis 4 mois, notre pays est entré dans une révolution citoyenne. Et le monde nous regarde. Le monde regarde le peuple de France et voit le peuple au bord de la victoire qui nous permettrait d'en arracher d'autres un peu partout à l'international. Parce que nous le savons, une victoire ici nous permettra d'en arracher d'autres pour tout l'ensemble du pays. Mais une victoire ici préfigure surtout des victoires ailleurs. Nous ne luttons pas que pour nous-mêmes, mais pour toutes celles et ceux qui luttent pour l'émancipation dans le monde. Alors, le pouvoir veut passer à autre chose. Il lui reste à apprendre que notre vie n'est pas une page qu'on tourne et que ce qui se joue, c'est pour le droit à la vie humaine dans ce pays. Un pouvoir tout seul contre tout un peuple qui se dispute le droit au sens de l'existence. Le président et ses sbires ne savent rien de la vie du plus grand nombre. Ils ne connaissent rien des conditions de travail des uns et des autres. Sinon, comment pourraient-ils demander 2 ans de plus à des égoutiers qui ont 17 ans d'espérance de vie en moins que les autres, à des éboueurs, 7 ans d'espérance de vie en moins, à des aides à domicile qui sans cesse portent des corps lourds. Comment pourraient-ils, s'ils connaissaient les conditions de travail du plus grand nombre, avoir cassé le droit du travail, avoir cassé les CHSCT, avoir fait en sorte que les dividendes dans les entreprises soient distribués au détriment des salaires et demander, en plus de tout cela, 2 ans de plus. Non, ces gens ne savent pas ce que nous vivons parce qu'ils ne sont jamais impactés par la politique et les décisions qu'ils prennent. Ces gens n'ont que la valeur travail à la bouche. Même nous, nous leur disons il n'y a pas de valeur travail tant qu'on ne donne pas de la valeur au travail. Et nous sommes ici car nous sommes les partisans du SMIC à 1600 euros net, à une conférence des salaires et à un blocage des prix à la baisse pour que les gens cessent d'être étranglés par l'inflation. Pour eux, dans un monde de crise écologique et climatique, il faudrait produire toujours plus, n'importe quoi. Et le pouvoir en haut n'a toujours pas compris ni pourquoi nous luttons, ni la force de nos résistances. Cette loi, si elle était appliquée, elle ne le sera pas. Ça battra dans les chairs. Et je veux commencer par faire un hommage à toutes les femmes de ce pays qui seront les premières victimes de cette réforme, si elle était appliquée. Ces femmes qui tiennent le pays à bout de bras. Je vous redonne ces chiffres pour que vous les ayez en tête. 77% des professionnels de santé sont des femmes. 94% des aides à domicile sont des femmes. 95% des AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, sont des femmes. 64% du corps enseignant sont des femmes. 67% des personnels de ménage sont des femmes. Les femmes, ces essentiels qui tiennent le pays debout, comme ma collègue Rachel Keke ou comme Caroline Fiat, aide-soignante, et sur lequel Emmanuel Macron n'a rien répondu, que ce soit sur les conditions de travail, sur les salaires. Ces femmes qui subissent les temps partiels, ces femmes qui touchent déjà 22% en moyenne de moins que les hommes et auront une retraite inférieure de 40%. Oui, nous le disons, cette loi est une déclaration de guerre à toutes les femmes de ce pays. Et voilà comment le monde, soi-disant moderne, nouveau monde, nous invente la pire réforme de régression sociale de notre histoire. Elle s'abattra dans les chairs aussi pour celles et ceux dont le temps est compté. Je pense aux 15 000 personnes qui, si cette loi était appliquée, mourront avant de voir un jour de leur retraite du fait du décalage de 62 à 64 ans. Je pense à ces 14 000 personnes qui meurent directement du chômage de longue durée, avec un chômage des seniors qui va encore augmenter. Je pense, évidemment, à celles et ceux qui ne meurent pas usés par le travail, mais qui meurent brutalement sur leur lieu de travail. Et je voudrais qu'ici, on rende un hommage extrêmement fort à celles et ceux, aux 86 personnes qui sont déjà morts depuis le début de l'année du fait de leur travail. À Lilian, 21 ans, ouvrier sur un chantier de voirie. À Sédou, 22 ans, ouvrier du Grand Paris. À Djemila, 57 ans, salarié d'une boulangerie industrielle. À Gaël, 36 ans, garagiste. À Tom, 18 ans, salarié des abattoirs. Et nous le disons ici, les morts au travail sont un choix politique. C'est celui de la rentabilité et de la profitabilité à tout prix. C'est celui des cadences qui s'accélèrent, qui mettent des dizaines de milliers de personnes en danger chaque jour. Voilà la cruauté de leur réforme. Les uns vont s'user au travail sans pouvoir profiter d'un peu de temps, de repos ou de loisirs. Quand les autres mourront de ne pas avoir pu travailler ou dans des accidents de travail. Voici l'absurdité du monde qu'il nous propose. Et comme à chaque 1er mai, c'est ici l'occasion de rappeler un des principes humanistes qui nous guide. Nous voulons travailler pour vivre. Nous ne voulons pas travailler ou mourir de notre travail. Nous sommes ici les héritiers d'une longue tradition pour la diminution du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année avec la 6e semaine de congés payés et dans la vie avec la retraite à 60 ans. Nous sommes ici les héritiers d'une lutte pour l'émancipation et pour la liberté. Et c'est pourquoi, chers amis, vous ne verrez jamais l'extrême droite dans nos cortèges et dans nos manifestations. Je le dis au pays. Je le dis au pays, ne faites jamais confiance à ces imposteurs, à ces gens qui font croire qu'ils se battent pour le peuple quand ils ne défendent que quelques intérêts privés. C'est toujours notre camp qui a lutté contre les servitudes. C'est toujours notre camp qui a emporté des conquêtes sociales essentielles qui ont bénéficié à l'ensemble du pays. Alors, l'histoire nous enseigne que lorsque nous avançons vers les chemins de l'émancipation et du progrès, toujours le pouvoir utilise la seule chose qui lui reste, la répression. Jean-Luc Mélenchon en a parlé, les gardes à vue abusives, l'interdiction des casseroles, des sifflets, des cartons rouges. Et avec même des lois antiterroristes qui sont utilisées pour faire taire la voix du peuple. La Macronie est en pleine déchéance. Et je vous le dis ici, nous ne céderons rien. Nous n'aurons pas peur et nous continuerons. Alors, j'achève par deux choses. Chaque recul de la Macronie est une victoire pour nous. Vous avez maintenant, dans chaque ville, et même dans chaque village, aucun député ou aucun ministre qui peut se déplacer sans qu'on leur demande des comptes. Emmanuel Macron va devoir se rendre à l'évidence. Il ne peut plus gouverner ce pays. Il n'y aura pas de retour à la normale avant qu'il ne cède. Et pas même après. L'année 2023 est d'ores et déjà rentrée dans la grande histoire sociale de ce pays. Il faut à présent que 2023 rime avec victoire. Emmanuel Macron est battu. Il doit maintenant s'avouer vaincu. Et puisque Emmanuel Macron a décidé de nous donner ce calendrier des 100 jours d'apaisement qui nous mène, c'est très drôle, au 14 juillet, je vous ai ressorti ce texte magnifique qui vient du livre 14 juillet d'Éric Villard. Je vous lis. On raconte que le 14 juillet, en toute fin de journée, il plut. Je n'en suis pas très sûre, les avis divergent. Ce qui est certain, c'est qu'il y eut une pluie de papier. On balança en l'air les archives de l'ordre, registres d'écrou, requêtes demeurées sans réponse, livres de comptes que l'on vit planer, voleter, se poser sur les toits, dans la boue, sur les arbres, dans les fossés crasseux de la forteresse. Oui, on devrait parfois, lorsque le temps est par trop gris, lorsque l'horizon est par trop morne, ouvrir les tiroirs, briser les vitres à coups de pierre et jeter les papiers par la fenêtre, les décrets, les lois, les procès-verbaux, tout. Et cela choirait, s'effondrerait lentement, pleuvrait dans le caniveau et il tournoierait dans la nuit comme les papiers gras qui, après la foire, tourbillonnent sous les manèges. Ce serait beau et drôle et réjouissant. Nous les regarderions tomber, heureux et se défaire, feuilles volantes, très loin de leur tremblement des ténèbres. Oui, depuis ce 1er mai 2023, nous faisons une promesse. Nous allons jeter dans le caniveau et par les fenêtres la loi des retraites et l'ensemble des pages de la Macronie. Nous sommes ici l'alternative à leur monde de ténèbres et de malheur. Très, très bon 1er mai.

et il a manifestement été chargé de séduire les classes moyennes et cette France qui, selon l'expression, se lève tôt. On va voir que cette démarche a une certaine odeur. Retraite, assurance chômage, RSA, apprentissage, il y a une offensive générale capitaliste contre le travail. Attal incarne un certain volet, celui d'aider les classes moyennes à mieux vivre de leur travail par un supposé plan Marshall pour les classes moyennes. Ces interventions prennent la forme archi-classique de l'opposition entre les Français qui travaillent et les assistés. Je pense que notre action, elle doit être dirigée avant tout vers ces Français, cette classe moyenne qui travaille, qui a le sentiment qu'on lui en demande toujours plus, soit pour d'autres qui, eux, peuvent ne pas travailler, soit pour des services publics qui se dégradent, alors que c'est financé par leurs impôts. Lors d'un déplacement dans l'Hérault, on a pu le voir en pleine démonstration d'arrogance lorsqu'il s'en est pris à des manifestants qui pratiquaient la casserolade avec un argument inattendu. Moi, je fais la part des choses. D'ailleurs, ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14h à 18h, a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. C'est pour eux qu'on veut agir et c'est pour eux qu'on veut répondre. Alors, j'ai peut-être découvrir que les gens ont tout un tas d'horaires bizarres. Ils travaillent de nuit, le week-end ou bien ils démarrent très tôt. Il va peut-être découvrir qu'il y a plein de retraités qui participent à ces manifestations, ou même que des gens sont prêts à poser des RTT pour continuer la lutte. Mais passons, semer la discorde, la zizanie, on a déjà parlé de cette manœuvre éculée. Ici, le ministre ne discrédite pas seulement les manifestants par ce qu'ils font, du bruit, mais aussi par ce qu'ils sont. Illégitime parce que supposément pas au travail. A priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés. Quelle est la conception de la citoyenneté qui se cache sous ce mépris? Supposons même que l'ensemble de ces gens soient au chômage ou au RSA. Ce que nous dit implicitement le ministre, c'est que ce sont grosso modo des sous-citoyens, et que leur expression ne compte au fond pas vraiment. Voilà le fond de la pensée de ce ministre millionnaire épistonné. Bah oui, il se permet des attaques ad hominem, nous aussi. Mais ne croyez pas que c'est un dérapage isolé, c'est une véritable ligne de communication, qu'il répète sur tous les plateaux. Il est 7h43, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école. Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère. Je suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. Voilà. Le message, c'est les vrais et honnêtes gens ne se plaignent pas du recul de l'âge légal de départ à la retraite. Ils sont simplement contents qu'on leur ait supprimé leur taxe d'habitation. Le fond de l'affaire, c'est une rhétorique réactionnaire visant à stigmatiser les sans-emploi comme des paresseux profiteurs, pour justifier tout à la fois le flicage et les radiations des chômeurs ou des allocataires du RSA. Regardez par exemple, depuis plusieurs semaines, Gabriel Attal porte un grand plan de lutte contre les fraudes. Je dis bien les fraudes. Parce que son mantra démagogique, c'est qu'il ne faut pas opposer les fraudes entre elles. La deuxième manière de redonner confiance, c'est bien de s'attaquer à toutes les fraudes. Moi, je veux qu'on arrête de segmenter les fraudes. Dans certains cas, on a l'impression qu'il n'y aurait que de la fraude fiscale et dans d'autres cas, qu'il n'y aurait que de la fraude sociale. Nous devons nous attaquer à toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales et douanières. Il n'est pas primordial de faire ce travail de hiérarchisation qui permet de s'apercevoir que, quelle que soit la quantification exacte, les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes entre fraude fiscale, fraude aux cotisations sociales et fraude aux prestations sociales. En mettant ces fraudes sur le même plan, Gabriel Attal accrédite l'idée que l'honnête travailleur de la classe moyenne est écrasé sans distinction par des profiteurs d'en haut, tout autant que par des profiteurs d'en bas. Cette classe moyenne qui a parfois le sentiment de payer trop parce que certains choisissent de ne rien payer du tout. Alors que le manque à gagner pour financer et améliorer les services publics, par exemple, est à chercher du côté de la manière dont les plus aisés et les grandes entreprises se soustraient à l'impôt. Mais évidemment, dans ce discours qui exploite les préjugés sociaux pour à la fois faire des économies à l'État et courtiser les classes moyennes, la réflexion sur la taxation des hauts revenus et patrimoines n'est pas du tout celle qui est la plus mise en avant. On le voit par exemple dans sa grande opération transparence sur l'usage des impôts, qui s'appuie sur le site gouvernemental au nom évocateur « En avoir pour mes impôts », accompagné d'une consultation citoyenne. C'est une grande opération transparente, ce site enavoir.mesimpots.gouv.fr qui ouvrira, vous l'avez dit, en fin d'après-midi, qui permettra au niveau national de dire de manière très concrète à quoi sert l'argent public. Voilà, tout le monde ne sait pas que un enfant, une année dans une école primaire, c'est 8000 euros d'argent public. La question politique de ce qu'est une juste répartition de l'effort collectif n'est pas posée. Le citoyen est seulement amené à se penser comme un contribuable qui calcule en permanence combien la société lui rend par rapport à ce qu'il paye en impôts. Et à réclamer évidemment que l'État dépense moins pour avoir moins d'impôts à payer. Ces Français qui travaillent sans pour autant bénéficier des aides et sans pour autant bénéficier de services publics qui répondent à leurs attentes. Bon, en fait, ce que fait là Attal, c'est implicitement s'adresser à ce que le sociologue Olivier Schwartz a nommé la conscience sociale triangulaire. Ce sociologue a montré qu'un sentiment est très présent dans les fractions hautes des catégories populaires. Un sentiment de menace, de méfiance, non pas seulement à l'égard du haut de la hiérarchie sociale, mais aussi à l'égard des moins bien lotis, qui sont vus comme des profiteurs. C'est tout le thème des assistés et des cassos. On doit aider les gens, on doit aider les gens qui sont démunis. On doit aider les gens qui sont démunis. Simplement. Oui, non, mais il y a des limites, hein. Parce qu'il faut qu'on profite. Il faut mieux les accompagner et mieux contrôler. C'est ce qu'on va faire avec la réforme. On fait les deux. C'est cette vision triangulaire de la société qui est exploitée et encouragée par l'extrême droite, en y ajoutant une lecture xénophobe et raciste. Parce que la figure par excellence du profiteur d'en bas, ça va être celle de l'étranger ou de l'immigré. Bruno Le Maire a tout récemment tiré sur cette corde. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Il devient très utile de mobiliser cette rhétorique, précisément dans un contexte où la réforme des retraites pilonne cette classe moyenne, et dans un contexte où le gouvernement refuse de poser la question de l'augmentation des salaires, autrement que par des primes qui ne sont pas soumises à cotisation sociale. Ces Français, cette classe moyenne qui travaille, qui a le sentiment qu'on lui en demande toujours plus, soit pour d'autres qui, eux, peuvent ne pas travailler, soit pour des services publics qui se dégradent. Le ministre Gabriel Attal clame donc qu'il lutte contre la tentation des classes moyennes d'aller vers le vote RN, en stabilisant leur situation économique. Mais là, ce qu'il fait concrètement, c'est de flatter les affects qui les y conduisent. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est Emmanuel Bompard, le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, est-ce qu'il sortirait les casseroles? On aura la réponse avant 9h. À tout à l'heure. Et à demain. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Emmanuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Une situation assez explosive sur le terrain avec chaque déplacement qui désormais est compliqué, voire même empêchée. Hier, le ministre de la Santé était sur le terrain à Poitiers. Il était accueilli par des casseroles. Le ministre de la Justice, lui, était dans la Sarthe. Il a été accueilli par des casseroles. Le ministre de l'Éducation était à Lyon. Déplacement très compliqué à chaque étape de son déplacement. Et puis alors un retour quasiment empêché. Pape Ndiaye qui a été contraint de rester cloîtré dans son train à quai. Parce qu'une foule très en colère l'attendait au bout du quai et l'empêchait de descendre. Il a fini par être littéralement exfiltré. C'est bien ça, Manuel Bompard ? C'est les conséquences de la volonté et de l'entêtement du président de la République. Il y a une opposition très forte à la réforme des retraites qui s'est exprimée dans ce pays depuis maintenant plusieurs mois. Elle s'est faite dans des manifestations très larges, calmes, démocratiques. Et aucun des messages qui ont été portés dans ces manifestations ont été entendus. En face, vous avez un président de la République qui a décidé de passer en force en utilisant tous les leviers de la Ve République pour imposer à un peuple qui n'en veut pas cette réforme. Et donc, il est normal que le peuple cherche des moyens pour exprimer sa colère. C'est ce qui fait jusqu'à ce que le président de la République commence à entendre le message et bouge. Et qui t'a bloqué comme ça des ministres dans un train? Je crois que qu'il y ait des rassemblements sur les lieux de présence des ministres, ça participe des moyens démocratiques qui existent pour que les Françaises et les Français puissent exprimer leur colère. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, parce que on peut, si vous voulez, jeter pendant des semaines et des semaines des cris d'orfraie en disant mon Dieu, il y a des gens qui vont manifester. Si, j'ai entendu des. Regardez. Vous n'allez pas reprocher Je dis que si on veut sortir de cette situation, il faut proposer une issue qui soit une issue politique, démocratique. Sinon, ça va continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Et on va essayer de comprendre. Mais enfin, moi, je voudrais savoir quel est votre point de vue sur cette situation et si vous trouvez que c'est bien et si vous trouvez qu'il faut que ça continue. Bien sûr. Je parle de cette histoire des casseroles, mais je parle aussi des réactions. D'ailleurs, ce matin, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, à propos de ces manifestants, de ceux qui, notamment hier, à plusieurs étapes de la journée de Pape Ndiaye, l'ont attendu avec les casseroles, il dit « Aller de 14h à 17h, en pleine journée, en pleine semaine, attendre un ministre... » il sous-entend que c'est pas tout à fait ceux qui travaillent, puisqu'ils ont le temps d'attendre. Il dit, par opposition, qu'il pense, lui, aux Français qui se lèvent le matin et qui vont bosser. Et à propos donc de ceux qui attendent, comme il dit, de 14h à 17h en pleine journée, en pleine semaine, un ministre, il dit qu'il s'agit de militants, de militants syndicaux et d'ultra-gauche, par opposition donc à ceux qui se lèvent le matin mais pour aller bosser. Si les opposants au passage en force d'Emmanuel Macron sont d'ultra-gauche, j'ai le regret d'informer Monsieur Attal que selon le sondage que vous avez publié ce matin, il y a presque 2/3 des Français qui sont d'ultra-gauche, donc il faut être un peu sérieux et un peu raisonnable, qui disent que la bataille doit continuer, que la mobilisation doit continuer. Que la réélection d'Emmanuel Macron bon, écoutez, il faut être un peu sérieux, un peu raisonnable. Les gens qui manifestent aujourd'hui leur opposition, ils s'amusent pas, ils auraient mieux à faire que d'aller à l'endroit où le ministre vient pour son déplacement. Mais bien évidemment que c'est une France qui bosse. Il y a les casseroles et puis il y a ceux qui les tiennent. Et ceux qui le tiennent, c'est ceux qui font tourner le pays. C'est ceux qui se lèvent tôt le matin. C'est ceux qui arrivent à 62 ans et qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont le dos cassé, qui n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. C'est parfois des jeunes qui ont vu leurs parents arriver à 62 ans et pas pouvoir travailler 2 ans de plus, qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Faut pas mépriser les gens comme ça tout le temps. Parce qu'à la fin, ça crée encore plus de colère. Donc à un moment, il faut être raisonnable. Il y a une opposition qui est très forte dans ce pays à cette réforme. Il faut l'entendre. Et l'entendre, ça veut dire proposer une issue démocratique. La légitimité politique, c'est pas une formalité administrative. Elle est consentie. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie sociale. Et qu'on dit, c'est pas mon point de vue, mais... comme c'est eux qui ont gagné, on va les laisser faire. Mais quand l'élection, elle se fait dans des circonstances qu'au deuxième tour de l'élection, on gagne face à l'extrême droite. Quand il y a une réforme qui, depuis 3 mois, voit 70% des Français s'y opposer. Quand il y a l'ensemble des organisations syndicales qui s'y opposent. Quand il y a des manifestations les plus puissantes dans ce pays depuis 30 ou 40 ans. Non, ça justifie le fait que le président de la République doit entendre ça et pas passer en force. Voilà ce que ça justifie. Et donc, ne vous étonnez pas ensuite que si vous avez un président de la République qui dit circuler, il y a rien à voir, on va passer à autre chose. Bah les gens, ils utilisent les moyens à leur disposition pour exprimer leur colère. Et les moyens à leur disposition, c'est de regarder où vont les ministres, et puis d'y aller, et puis de dire bah si c'est comme ça, on va pas vous laisser continuer. Voilà comment ça se passe. Donc, si je comprends bien, vous, moi je les soutiens, je les encourage. Voilà, je suis très clair. Je les encourage, je leur dis continuez, lâchez rien, la bataille continue. Et au bout d'un moment, ils vont être obligés de céder parce qu'ils vont plus pouvoir continuer comme ça. Voilà, c'est une bataille d'usure qui est engagée. Le président de la République a dit j'ai 100 jours. Et ben en face, il faut qu'ils s'attendent à 100 jours de mobilisation. Alors il y en a une qui ne s'est pas du tout écrasée hier. C'est la ministre de la Culture. Elle était à la cérémonie des Molières, c'est-à-dire les Césars du milieu du théâtre, et elle a été alpaguée sur scène par un certain nombre d'acteurs. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens ni des chiennes. Nous ne rentrerons pas à la niche et vive les casserolades. Voilà l'échange. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors? À mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. La ministre de la Culture qui a fini par être applaudie, Rima Abdul Malak. Honnêtement, quand elle décrit des situations où les réunions sont jour après jour annulées par les syndicats, qui eux-mêmes ensuite vont être adoubés par les acteurs qui disent « bah oui, il faut continuer la lutte », elle a raison. Je vois pas de quoi elle a raison. Elle a décrit une situation de dialogue social. Je suis pas à l'intérieur de ces négociations, mais je crois que les personnes qui se sont exprimées sur la scène ont exprimé là aussi leur opposition à cette réforme des retraites. Quand elle répond que honnêtement les aides ont été là pour. Oui, mais c'est pas le sujet en fait de l'interpellation. Le sujet de l'interpellation, c'est cette réforme des retraites qui va impacter en particulier les acteurs culturels, parce que vous le savez comme moi, c'est souvent des gens qui ont un statut. Mais souvent, on n'était pas tout dans le même. Ah non, attendez, c'est qui ont un statut, d'intermittent du spectacle, qui fait qu'ils ont souvent des carrières discontinues et des carrières hachées, et donc pour qui le fait de passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans va agir en quelque sorte comme une double peine. C'était le sujet de l'interpellation. Elle répond à côté du sujet. Elle répond que pendant le Covid, il y a eu des aides pour la culture, mais très bien. Mais c'est pas le sujet. Très largement accompagnés en France. Mais vous avez déjà vu on vous parle de la réforme des retraines, Apolline de Malherbe. Oui, vous entendez vous que dites, les gens peine. Ils sont opposés. Non. Vous parlez de la réforme des retraites, mais Emmanuel Bompard, vous dites la double peine, comme si c'était l'État qui voulait qu'ils soient dans une situation d'intervention. Non, leur situation particulière. L'État les soutient et les accompagne. Mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de précaires dans la culture qui devraient être titularisés. Il y a un budget en matière de politique culturelle qui est trop faible. Si vous voulez, on peut parler de politique culturelle. Mais là, en l'occurrence, le sujet de l'interpellation, c'était la réforme des retraites. C'est important. Je vous ai fait un certain nombre de propositions. Par exemple, augmenter le budget de la culture pour que ça soit 1% du PIB. C'était un engagement que nous avions pris pendant la campagne présidentielle. J'aimerais qu'il soit suivi d'effet et que le président de la République le mette en œuvre. Mais là, en l'occurrence, le sujet de l'interpellation, c'était la réforme des retraites. Et donc, y compris sur la réforme des retraites, oui, les acteurs de la culture, les intermittents du spectacle en particulier, vont être impactés par cette réforme. Et donc, c'est normal qu'ils puissent aussi exprimer leur opposition. Il y a les casseroles et il y a les coupures de courant. La CGT qui a coupé l'électricité sur les lieux des déplacements d'Emmanuel Macron, un collège, l'aéroport de Montpellier, mais également des sortes de dommages collatéraux, ce qui n'était pas la volonté visiblement de la CGT, mais ce qui a été aussi la réalité. Je voudrais que vous écoutiez les propos de Sophie Binet hier matin à ce même micro, mais également ceux de la CGT Énergie juste après. La coupure d'électricité de la clinique, c'est pas du tout la CGT. Nous, quand on fait des actions, d'abord on les organise de façon ciblée. Donc la clinique n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et on coupe jamais l'électricité dans des établissements de santé. Oui, il y a eu à certains endroits des bâtiments de santé qui ont eu des coupures, mais il faut quand même pas oublier que c'est souvent des coupures qui sont très très courtes, ça se compte en secondes. Est-ce que s'opposer politiquement ça veut dire aussi aller jusqu'à prendre des risques. Non, mais Apolline de Malherbe, faites pas l'enquête avant qu'elle ait eu lieu, puisque manifestement, il y a une enquête qui a été ouverte. Vous avez la responsabilité. Non, non, il l'a revendiqué, hein. Il s'agit de Fabrice Coudeau qui revendique. Écoutez, la dernière fois qu'on nous a fait ce coup, on s'est rendu compte, en tout cas, c'est ce que disaient les organisations syndicales, que ça avait été une erreur de remise en route du courant de la part des opérateurs qui avait impacté un établissement hospitalier, et pas du tout l'organisation syndicale qui avait mis en place. Je ne sais pas, non, je ne connais pas les circonstances de cette situation. Un responsable CGT qui lui-même reconnaît. Non, il n'a pas reconnu. Il a dit que ça pouvait arriver que dans certains cas de figure, si j'en crois l'extrait que vous venez de démontrer, il puisse y avoir. D'accord, très bien. Mais j'entends aussi Sophie Binet qui dit que c'est pas le cas. Donc moi, je ne sais pas qui croire, je n'en sais rien. Mais vous constatez bien qu'il y a des risques. Non, mais attendez. Ce qui me paraît certain et évident, c'est que aucune organisation syndicale, aucun salarié, quand il se livre à ce type d'action, n'a l'intention de faire en sorte que ça puisse impacter. C'est évidemment pas la cible. Eh ben non, il faut pas qu'il y ait de risque et il faut cibler ces initiatives pour que elles impactent bien évidemment pas des établissements de santé, parce que bien évidemment personne n'est favorable à ça. Voilà, mais là en l'occurrence, je ne sais pas le cas de figure, puisque manifestement il y a une enquête qui va être ouverte. Écoutez, franchement, je sais qu'à chaque fois qu'il va y avoir des initiatives, ben moi je vous ai fait un certain nombre de propositions, je peux les refaire ici si vous voulez. Allez-y. Il y a une première solution très simple, c'est de dire: écoutez, d'accord, je n'applique pas cette loi. Ça a déjà été fait. La loi sur le contrat première embauche avait été promulguée par le président de la République, Jacques Chirac, et n'avait pas été appliquée. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'il veut permettre qu'on revienne à une situation la plus normale possible, peut dire... voilà, bon, je l'applique pas parce que manifestement il y a pas de consentement à cette loi dans ce pays. S'ils préfèrent le traiter de manière démocratique, et bah qu'ils soumettent le texte à un référendum, il peut en prendre l'initiative. Dans son interview au Parisien, il dit on fera un référendum mais pas maintenant, demain. Bah s'il est d'accord demain, pourquoi pas tout de suite? Bon, donc ça c'est une deuxième solution. Il répond aussi d'ailleurs qu'il demande à ses ministres d'aller sur le terrain. D'abord, il dit que lui il continuera à y aller, oui, mais aujourd'hui il sera ça va continuer. Et il dit à ses ministres de continuer à y aller, au moins ils se défaussent pas. Mais c'est pas qu'il aille sur le terrain, qu'il aille pas sur le terrain, c'est pas le sujet. La question c'est pour quoi faire, pour dire quoi et comment on sort de cette situation. S'il le fait pas, au bout d'un moment c'est sa propre personne qui va commencer à être mise en cause. Jean-Luc Donc, Mélenchon moment, a dit la phase de destitution a commencé. La phase dégagiste, je crois qu'il a utilisé, ou destituante sans doute comme terme. Bah clairement, au fur et à mesure que le président de la République s'entête, ce qui était initialement une crise liée à une réforme, celle des retraites, a pris une proportion beaucoup plus importante et ça devient une crise démocratique. Je reprends les termes de Laurent Berger, voire peut-être même une crise de régime. Et la question de la Ve République aujourd'hui est mise en accusation, puisque les gens se disent mais comment ça se fait que les institutions permettent à un homme seul de décider contre quasiment le pays tout entier. Et vous appelez à la 6e République. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on a des institutions qui permettent d'avoir davantage de pouvoir citoyen. Et sur ce sujet aussi, le président de la République s'entête. Sur la question des impôts, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des impôts d'abord, le Bercy sort aujourd'hui une sorte d'application où on va pouvoir voir où vont nos impôts. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les impôts sont suffisamment bien utilisés? Et là, je pense à la question des services publics. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il faut resserrer les vis? Est-ce qu'il faut plus d'efficacité? Comment vous les utilisez? Il n'y a pas suffisamment d'investissement dans les services publics aujourd'hui. Il suffit d'aller, par exemple, d'avoir un problème de santé dans une zone rurale ou dans un quartier populaire. Il s'agit d'aller dans un certain nombre d'établissements scolaires où vous verrez bien que les investissements en matière de services publics ne sont pas suffisants. Donc, on peut discuter de la question de comment sont utilisés les impôts. Mais la question, c'est toujours le débat avec Monsieur Attal, et c'est incroyable. C'est-à-dire, quand vous proposez un impôt qui soit plus progressif, c'est-à-dire qui va donc se traduire pour certaines catégories de la population pour une augmentation d'impôts, mais pour l'immense majorité d'entre elles pour une baisse d'impôts, vous dites, vous voulez augmenter les impôts. Nous proposons une réforme fiscale dans laquelle 92% des Françaises et des Français vont voir leurs impôts baisser. Et il y en a seulement 8% qui vont voir leur impôt augmenter. Vous n'augmenteriez pas forcément. Et il y aurait 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Mais vous ne toucheriez pas les mêmes portefeuilles. Mais il faut un impôt qui soit un impôt véritablement progressif. Je vous renvoie aux travaux d'un certain nombre d'économistes, comme Monsieur Piketty, par exemple, qui démontrent qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de justice fiscale, que les plus hauts revenus bénéficient d'exonérations, d'impôts, etc., qui font qu'à la fin, ils payent, même en proportion de leurs revenus, moins d'impôts que, par exemple, les classes moyennes. Donc ça, c'est une situation qui est insupportable. Donc la question, c'est pas de montrer sur une application comment ils sont utilisés, c'est de rétablir de la justice fiscale en rétablissant par exemple l'impôt de solidarité sur la fortune. On a fait cette proposition à l'Assemblée nationale. Madame Le Pen et Monsieur Macron ont voté contre, en faisant en sorte de revenir sur la flat tax l'impôt sur la mauvaise taxation sur le capital qui favorise les plus riches. Bon, donc d'avoir de la justice fiscale, c'est ça qui devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui. Et sur la question du pouvoir d'achat, dans une interview au journal Le Parisien et au lecteur du Parisien hier, Emmanuel Macron, à propos d'une question sur le pouvoir d'achat, dit bon, ça va continuer à augmenter. Le problème, c'est pas tant ça, c'est les salaires, et il demande aux entreprises et aux partenaires sociaux de faire en sorte que le travail soit mieux. Vous avez fait un lapsus intéressant. Vous avez commencé à dire ça va commenter, mais c'est vrai, le président de la République, son rôle, c'est pas de commenter. C'est de faire quelque chose. Il nous dit ouais, bah jusqu'à l'été ça va être compliqué. Bon, mais la question c'est pas jusqu'à l'été ça va être compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc, les salaires. Mais alors pourquoi il augmente pas le SMIC de manière supplémentaire par rapport à ce qui a été fait ces derniers vous, mois. La réponse sur le pouvoir d'achat, ce serait l'augmentation du SMIC. Augmentation du SMIC. Convoquer une conférence sur les salaires entre les organisations syndicales salariées et les organisations patronales pour augmenter tous les salaires. Pourquoi pas indexer les salaires sur l'inflation. Aujourd'hui, le président de la République a sa majorité. Disent on est les meilleurs élèves en Europe sur l'inflation. D'abord, c'est plus vrai. Ça a été vrai à un moment où l'inflation était plus faible en France qu'ailleurs, mais c'est pas le sujet. La question, c'est pas l'inflation. La question, c'est l'augmentation des revenus comparativement à l'inflation. Et en France, on est dans une des pires situations en Europe, c'est-à-dire qu'on a une inflation de 6% et que nos revenus augmentent à peu près en moyenne sur l'année de 3%. Donc c'est une baisse du pouvoir d'achat. Une conférence sur les salaires, c'est un peu ce qu'il fait. Hein. Alors il l'appelle pas comme ça, mais enfin quand il dit je demande aux partenaires sociaux et aux entreprises de s'emparer de cette question-là. Oui, mais lui, il demande, c'est toujours pareil. Il faut prendre une initiative. Mais bien sûr que si. Comment on a organisé en France, dans ce pays, à combien de reprises on a dit on va faire une conférence nationale sur les salaires, je vais inviter les représentants du patronat et les représentants des syndicats de salariés au ministère, on va en discuter, on prend une initiative politique. C'est comme sur la question des... Vous pensez qu'à vous, il vous répondrait. Quand vous entendiez tout à l'heure la ministre de la Culture... Mais ils n'ont pas le choix. La ministre de la Culture qui dit, mais moi, j'ai eu des rendez-vous. Je vous ai convoqué tel jour, on avait rendez-vous tel jour, vous avez reporté tel jour, vous avez reporté tel jour, vous avez reporté, et vous avez encore et encore reporté. Pourquoi avec vous, il ne ferait pas pareil ? Mais parce que moi, j'aurais pas fait, enfin, moi, nous, on n'aurait pas fait la réforme des retraites. Enfin, si les gens n'ont plus envie d'aller leur mais parler. Mais vous savez ça, hein. Attendez, on trouve écoutez... toujours plus révolutionnaire que non, soi. Non, Manuel non, non. Bompard, je voudrais vous donner un exemple. J'ai pas de sujet. Ça fait depuis trois mois que les organisations syndicales avaient demandé à être reçues. C'est le président de la République qui a refusé Manuel de les recevoir. Bompard. Donc maintenant, il peut dire oui, vous voulez pas venir nous parler. C'est exactement le même sujet. Je voudrais vous parler des universités. Vous l'avez vu, l'université de Caen a été pour une partie saccagée. Elle est d'ailleurs hors d'usage jusqu'en septembre. À Toulouse, vous avez l'université Jean Jaurès qui a d'abord été occupée par des étudiants pour protester contre la réforme des retraites. Exactement le sujet dont nous parlons ce matin, Manuel Bompard. Donc, occupée pour protester sur la réforme des retraites avec notamment l'Union des étudiants communistes. Sauf qu'ils ont été débordés par plus révolutionnaires qu'eux. Et désormais, il y a des contestataires qui occupent jour et nuit le bâtiment. Ils en ont fait une sorte de ZAM, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire zone autogérée du Mirail. Il y a des étudiants souvent masqués qui doivent frapper à la porte du bâtiment pour pouvoir rentrer. Et leur demande, c'est qu'il y ait un 10 sur 20 systématique. Ils ont déchiré des copies, brûlé des copies. La présidente de l'université parle de vandalisme, d'actes révolutionnaires. Et les étudiants communistes eux-mêmes en sont venus à demander un appel au calme. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'en ouvrant la porte de la colère, vous vous retrouviez exactement dans cette situation ? Non, mais si vous voulez pas vous retrouver... D'abord, j'ai pas très bien compris le lien avec le sujet précédent, mais c'est pas grave, je vais quand même répondre à votre question. Ah, vous voyez pas le lien ? Non, pas avec le sujet dont on est en train de discuter, qui était de savoir si les organisations syndicales répondraient à une sollicitation de la France Insoumise pour une conférence sur les salaires. Mais c'est pas grave, Apolline de Malage, je vais vous répondre quand même. J'ai compris que vous avez envie de faire passer tous ceux qui se mobilisent pour des sauvages, mais c'est pas le cas. Dire une chose par exemple, depuis le début, il y a ceux qui se mobilisent. Est-ce que c'est quand même pas un peu violent? Ceux qui vont faire des coupures d'électricité sur les déplacements du Premier ministre. Mais si ce genre de situation, mais moi je veux une Apolline de Malherbe, franchement, que les étudiants puissent pas aller travailler, ça vous inquiète pas? Moi je veux une situation pour des sauvages. Je veux une situation dans laquelle le pays est apaisé. Si vous voulez une situation dans laquelle le pays est apaisé, il faut arrêter en permanence de pointer du doigt ceux qui expriment leur colère et s'opposent, et il faut écouter toutes celles et ceux qui s'expriment de manière démocratique. en fait, vous nous reprochez les pointer du doigt. Mais non, je vous reproche rien, Pauline de Malherbe. Merci, à l'instant, je vous dis dire juste que je vais passer tout le monde pour les sauvages. C'est bah, c'est-à-dire que c'est pas grave, c'est votre rôle. Mais depuis le début de cette interview, en permanence, vous cherchez le débordement, alors que vous avez une mobilisation depuis trois mois qui est historiquement calme, pacifique, déterminé. Donc je me permets d'insister sur ce sujet. Voilà, le prenez pas mal. C'est pas contre vous. Mais je vous dis juste. Est-ce que vous ne le redoutez pas, Manuel Bompard? Parlons-en très calmement. Est-ce que vous ne redoutez pas? Est-ce que l'histoire ne vous a pas appris qu'en ouvrant la porte de ce genre de violence, il y avait toujours un risque de trouver plus violent que soi? Mais il n'y a pas de violence aujourd'hui dans la mobilisation qui s'exprime contre le président de la République et contre la réforme des retraites. Et si on veut justement qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui se disent « bah la solution, c'est la violence », ce qui n'est pas ma volonté, pour que les choses soient très claires, si on ne veut pas se retrouver dans cette situation, alors il ne faut pas couper l'ensemble des canaux démocratiques qui permettent à la colère de s'exprimer. Parce que si vous êtes dans une maison, que vous fermez tous les issues et que vous mettez le feu à l'intérieur, bah oui, à la fin, ça brûle. Bon, donc la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte de réguler une situation de blocage par une voie démocratique. Et donc, soit en reculant et en disant, bon, on va rediscuter, soit en disant, bah, trancher, puisque manifestement, il y a un désaccord. Voilà comment j'aimerais qu'on règle la situation. Avec notamment la situation et la solution du référendum. Merci, Manuel Bompard. Merci à vous. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs de taux, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Un petit peu par rapport à cette guerre d'usure ou la manière dont le président de la République juge que c'est désordre, hier, lors du Conseil des ministres, il a indiqué que, eh bien, la France insoumise faisait en quelque sorte la courte échelle au Rassemblement national, c'est une accusation lourde. Et un peu plus tard, dans l'après-midi, la Première ministre Elisabeth Borne a carrément indiqué que Jean-Luc Mélenchon, en parlant d'insurrection, sapait la confiance des Français dans la démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Alors déjà, ça suffit le défouloir sur Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit de la manière dont le gouvernement essaye, de détourner le regard par rapport à sa politique. Je vais y revenir. En tapant toujours vis-à-vis du principal responsable de l'opposition. Enfin, il a quand même parlé d'insurrection. Non, il n'a pas un mot neutre. On va y revenir. Ouais. Il a parlé d'insurrection citoyenne, et je vous rappelle que l'insurrection, si vous, comme moi, vous avez lu les Lumières, les philosophes des Lumières, ça fait partie intégrante, quelque part, de l'idée de notre République, le droit à l'insurrection, et nous parlons d'insurrection citoyenne par les urnes. Donc, ne développons pas autre chose sur ce terme. Et revenons à ce que dit le chef de l'État et Mme Borne. C'est quand même extraordinaire. Mme Borne dit ça alors qu'elle a utilisé à 12 reprises le 49-3, c'est-à-dire une procédure qui empêche le Parlement de voter. Quelle est la démocratie là-dedans? Elle l'a fait sur le budget, elle l'a fait sur la réforme des retraites, elle l'a fait en utilisant un procédé qui lui permettait de raccourcir les débats, de passer son vote. Bon, elle le fait en plus en empêchant, et Monsieur Macron, nous l'avons dit tout à l'heure, empêchant tout référendum. Elle s'oppose à tous les syndicats, elle s'oppose à 9 citoyens actifs sur 10, 7 citoyens sur 10. L'Assemblée nationale, où est la démocratie? Donc c'est pour ça que, au lieu de se servir de Jean-Luc Mélenchon comme paravent une politique qui est absolument antidémocratique, ce gouvernement ferait mieux enfin d'entendre les Français, voilà, et de retirer cette loi. C'est ce que nous lui proposons depuis le début. Bruno Le Maire a ses pudeurs. Eh oui, il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a ce rapport aussi. Ce rapport de l'Inspection générale des finances sur, je cite, le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ce rapport, avec sa timidité, Bruno Le Maire a tout fait pour le cacher, pour le maintenir secret. Et il a fallu que mon collègue, Éric Coquerel, président de la Commission des finances, aille le dénicher à Bercy. Au fond, les pudeurs du ministre, je les comprends et je les partage. En effet, ces pages me paraissent 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus choquantes, plus indécentes, plus révoltantes que les passages érotico-littéraires de Bruno Le Maire. Car que dit ce rapport? Il évalue le taux de rentabilité interne des actionnaires qui s'avère colossal, plus de 12% par an. Ça sans aucun risque, sans concurrence, sans innovation, 10 fois plus sur la période que le livret A. Une pluie de milliards pour les actionnaires. Mais mieux encore, que découvre-t-on dans ce rapport? Que nous vivons dans un pays formidable. En France, les salaires sont-ils indexés sur l'inflation? Non. Nous le réclamons, mais non, vous nous le refusez. Pas plus que les minima sociaux ou les budgets des hôpitaux. Tout ça n'est pas indexé. Mais le prix des péages, en revanche, oui. D'où la hausse de 4,75% cette année. Derrière cette donnée, il y a des Français, des travailleurs qui se lèvent tôt, qui prennent leur auto, qui vont au boulot. Ceux du Loiret, par exemple. Les 140 km de l'autoroute A9 coûtaient déjà 12 euros en 2010. Aujourd'hui, c'est 25 euros, tarif multiplié par 2. Les automobilistes lâchent 1 euro toutes les 2 minutes à Vinci sur cette autoroute. Pourtant, j'ai vérifié, sur les aires d'autoroute, les toilettes ne sentent pas le Chanel numéro 5 et j'ai pas vu de caviar dans les sandwichs triangles. Qu'en disent les auteurs du rapport? Qu'en disent-ils, ces inspecteurs des finances? Je les cite, « Les décideurs, c'est-à-dire vous, les ministres, vous adoptez des postures de négociation trop favorables aux concessionnaires. » Texto. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Ça signifie en clair, vous défendez davantage les intérêts d'Eiffage, Vinci, Albertis que ceux des Français. Pour en sortir, les inspecteurs recommandent un raccourcissement de la durée des concessions de 10 ans. Au 30 avril 2026, les sociétés rendraient tout à l'État. Ce serait faisable, d'après les inspecteurs, ce serait, je les cite, « légalement envisageable au titre de la jurisprudence Olivier du Conseil d'État ». Cependant, ajoute-t-il, « l'activation de cette jurisprudence suppose une forte volonté politique ». Et votre volonté politique forte, les inspecteurs semblent en douter. Ils n'ont pas tort. Car à la remise de ce rapport, comment avez-vous réagi? On l'a dit, Bruno Le Maire l'a enterré. Et il s'est exclamé « Un super profit, je ne sais pas ce que c'est ». Ah certes, maintenant que ce rapport est public, le ton a changé. On s'est trompé, concède le ministre. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez trompé les Français. Tous les jours, ils sont volés. Alors, dès cet été, agissez pour les Français. Les autoroutes gratuites, oui, levez les barrières. Levez les barrières de péage, levez les barrières pour les vacances, levez les barrières, et qui derrière les barreaux? Qui derrière les barreaux? Car qui va payer? Qui affrontera un procès? Bruno Le Maire, Thierry Breton, Dominique de Villepin, Elisabeth Borne, Alexis Kohler et Emmanuel Macron? Ce sont eux qui ont organisé ensemble, par leur incompétence ou par leur malveillance, ce serait à déterminer, le pillage des autoroutes de France. Ce sont eux qui ont transformé les automobilistes en vaches à lait d'Assanef, de Eiffage et de Vinci. Ce sont eux qui ont fait perdre à l'État français, 33 milliards d'euros, 33 milliards d'après les inspecteurs des finances. Qu'on imagine un salarié, cadre, caissière, qui fait perdre à sa boîte 1100 euros, parfois même juste un bon d'achat. Cet employé-là est convoqué devant sa direction, a droit à un conseil de discipline, risque le licenciement par faute. Mais ces gens-là, Breton, Le Maire, Villepin, Borne, Kohler, Macron, quand furent-ils sanctionnés pour ce gaspillage géant? Jamais. Quand furent-ils poussés devant une commission d'enquête, un tribunal, pour se justifier, s'expliquer? Jamais. Quand a-t-on prélevé sur leur compte en banque des millions pour réparer leurs fautes? Jamais. Il n'est point de repos sans égalité, disait Léonard de Vinci, le seul et vrai Vinci. Vous cultivez, vous, l'inégalité. L'injustice, vous en êtes les visages. À la France, aux Français, vous n'apportez pas la paix, vous n'apportez pas le repos qu'elle réclame. Au contraire, tous les jours, et ces autoroutes en sont un symptôme, en sont un symbole, tous les jours vous portez l'orage. Madame la Première Ministre, ce 1er mai, 2,3 millions de manifestants vous ont dit dans la rue leur opposition à la réforme des retraites. En vous acharnant, vous abîmez la démocratie. Vous abîmez la démocratie en utilisant les outils les plus autoritaires de la Ve République. Vous abîmez la démocratie en bafouant la Constitution qui dit que la République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés. Les coupables, c'est vous. Nous apportons notre soutien à tous les blessés. Vous opposez le peuple au peuple, pas nous. Vous vouliez tourner la page des retraites. C'est raté. Vous reportez tous vos projets de loi. Vous ne savez plus où vous allez. Et d'ailleurs, où que ce soit, les casseroles vous accompagnent. Vous ne pouvez plus gouverner. La crise est maintenant politique. La Ve République permet d'agir sans le peuple et contre lui, elle n'est plus légitime. En bafouant ses principes républicains, vous accélérez sa chute et la vôtre. Alors oui, à bas Macron et la mauvaise République, vive la Constituante et la Sixième République. Ici, c'est la France, celle d'un peuple insoumis, dont la nation s'est fondée par une révolution. On ne fait pas taire le peuple, on l'écoute, on ne le méprise pas, on le respecte, on ne le réprime pas, on lui obéit. Nous ne céderons pas. Vous vouliez en avoir fini le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille. Vous avez déjà perdu, quand retirez-vous votre réforme des retraites ? Merci. Madame la Première Ministre, ce 1er mai, 2,3 millions de manifestants vous ont dit dans la rue leur opposition à la réforme des retraites. En vous acharnant, vous abîmez la démocratie. Vous abîmez la démocratie en utilisant les outils les plus autoritaires de la Ve République. Vous abîmez la démocratie en bafouant la Constitution qui dit que la République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés. Les coupables, c'est vous. Nous apportons notre soutien à tous les blessés. Vous opposez le peuple au peuple, pas nous. Vous vouliez tourner la page des retraites. C'est raté. Vous reportez tous vos projets de loi. Vous ne savez plus où vous allez. Et d'ailleurs, où que ce soit, les casseroles vous accompagnent. Vous ne pouvez plus gouverner. La crise est maintenant politique. La Ve République permet d'agir sans le peuple et contre lui, elle n'est plus légitime. En bafouant ses principes républicains, vous accélérez sa chute et la vôtre. Alors oui, à bas Macron et la mauvaise République, vive la Constituante et la Sixième République. Ici, c'est la France, celle d'un peuple insoumis, dont la nation s'est fondée par une révolution. On ne fait pas taire le peuple, on l'écoute, on ne le méprise pas, on le respecte, on ne le réprime pas, on lui obéit. Nous ne céderons pas. Vous vouliez en avoir fini le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille. Vous avez déjà perdu, quand retirez-vous votre réforme des retraites ? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Léaumont, pardon si je ne suis pas forcément l'interlocuteur que vous auriez souhaité, mais j'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Monsieur le député, Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés. Les coupables, c'est vous. Nous apportons notre soutien à tous les blessés. Vous opposez le peuple au peuple, pas nous. Merci, monsieur le président. J'irai à l'essentiel. La discussion sur cette proposition de loi a été une véritable démonstration politique. Nous avons la preuve que, à partir du moment où la minorité présidentielle perd la main, c'est-à-dire qu'elle ne décide pas de l'ordre du jour, elle ne décide pas des textes étudiés, elle se fait battre quand elle propose des amendements. Mais qu'à l'inverse, quand c'est la NUPES qui a la main, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans une niche parlementaire communiste avec un texte qui a été présenté par un socialiste, avec des amendements adoptés, défendus par des insoumis, tout ça avec le soutien des écologistes. Quand c'est la NUPES qui a la main, nous sommes en capacité de faire voter des textes qui changent la vie des gens, mesdames et messieurs. Nous pouvons défendre EDF, défendre le service public. Nous pouvons faire reculer le marché avec les tarifs réglementés. Nous pouvons répondre à la détresse des TPE, des PME, des artisans, des commerçants, des locataires. Tout ça, la NUPES est en capacité de le faire. Alors quel meilleur exemple ? Nous en sommes à un an, c'est l'anniversaire de la NUPES. Nous donnons la preuve que nous pouvons gouverner. Alors, chers collègues, laissez les clés. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera vite. Nous apporterons les solutions au pays. Faites confiance à la NUPES. Chers collègues, sincèrement, il va falloir se calmer. Hein. On va pas passer la soirée comme ça. Je ne suis pas sûr que ce vacarme, mais je le dis pour tous les groupes, hein, mais je ne suis pas sûr que ce vacarme permette de maintenir un rythme de travail qui vous donne beaucoup de satisfaction. Donc nous allons passer au vote sur le scrutin public, car sur l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe Renaissance, Socialiste et GDR d'une demande de scrutin public que nous avons annoncée. Tout le monde a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 217, exprimés 216, majorité 109 pour 127 contre 89. L'Assemblée nationale a adopté.